بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc j'ai commencé au soir en parole qui important et faut que nous méditions en l'œil. Faut que nous méditions en l'œil parce c'est pas un bagage faut que nous prenions à la c'est pas un bagage faut que nous prenions pour en blague mais faut que nous prenions parole ça au sérieux et qu'on autres savent tout séminaire que nous avons fait pendant le week-end ça c'est un séminaire en les comportement. Parce que l'islam, c'est une religion qui a appelé tout le monde, qui a incité tout le monde pour yoni la piété, pour yoni un bon comportement, pour yoni un bel comportement. Et donc, il faut que nous fassions attention à ça. Et ça, c'est. Jodi a nou ka pale di an sije tre important se pidea. Pidea, c'est-à-dire en français, la pudeur. Et kon zot sav, nou grandi Martinique, se moun lan grandi, hein, yo te ka danse, reggae dancehall. Se français ale yo ka vini Martinique. Yo ka vini pou ki sa, yo ka vini pou se peche ya. Yo pa ka vini pou yo pran bonnes aksyon. En general, lese moun nan yo ka voyaje Martinique, se pa paradis yo le. Yo pa ka panse a l'au-delà apre la mort. Men se moun nan yo ka, le yo ka vini Martinique, se pou yo pran plezi. E donk yo ka fan lo bagay ki pa ni piyes pide a dan yi. Et faut qu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'il fait nous sortir d'obscurité ta. Pour guider nous à dans lumière, lumière l'islam là. Faut qu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala tous les jours, tout jour, faut qu'on remercie pour ça. Mais faut qu'on sache aussi que faut que nous bataillions, faut que nous goûmions contre nous-mêmes. Faut que nous goûmions pour nous battre nous en belle éducation. Pour nous quitter toutes ces mauvais bagailles-là que nous t'avons fait avant. Et pour nous accepter l'islam, pour nous accepter pleinement. Pour nous purifier comme nous et pour nous ni plus pider. Parce que ça, c'est un bagage qui est problématique. Hein? C'est un bagage qui est problématique à dans les Antilles. Ça, c'est un parole qui est général. Parce que côté ta, les Antilles, c'est pas un côté, c'est mon langue à aller pour y aller prier en général. En général, les gens qui ont voyagé de France pour aller Martinique, ils peuvent aller Martinique pour aller prier. Il pas qu'à aller Martinique pour y aller l'église. Il pas qu'à aller en général laisser mon enfant voyager, yo qu'à aller Martinique, c'est pour y faire bêtise. Et donc c'est pour ça que si j'ai que nous avons aujourd'hui, c'est un sujet comme on dit autre, c'est un sujet qui est vraiment important. Cheikh Arafat El Mohammedi Hafidahullah, là il commence si j'étais là il commence conférence li, il dit nous législation, c'est-à-dire ça il est pas là, c'est législation musulmane là. Législation ordonnez-nous pour nous ni un bel comportement. Législation a mandé nous pour nous ni un bel comportement. Pouchi parce que il y a dans ça, à dans bel comportement, il y a il n'y a purification pour l'homme là. Il n'y a purification pour l'homme là. L'homme là, c'est-à-dire en français, l'âme. Une purification pour l'âme. Alors, si moun lan, il adopte un bel comportement, ça semble qu'il a montré que moun ta la, il a efforcé, il a goumé pour purifier, pour y purifier tchèy. Pour y arriver purifier tchèy li. Et c'est pour ça que Cheikh là, ici, te ba nou, en parole que nous, ouais, depuis hier. Le mot traduit Bazot Koula en français et Suleiman El Haïti traduit Bazot en créole. Hier au soir, Cheikh Abdoul El Boukhari, il parle, il dit nous, un bagaille qui est important, c'est que bon comportement, il y a dans 4 bagailles. Jodi, Cheikh Arafat, il parle, il dit ça aussi. Bon comportement, il y a dans 4 bagailles. Ça qui les 4 bagailles, ta? Il dit nous, est sobre, hein, que vous patientez, que vous n'avez la force, on dirait, si poté. Parce que, premièrement, là, on a la force pour si poté, ou peut si poté, c'est injustice là que c'est mon nom qui fait. Ou cas si poté ça, et ou pas qu'à répondre au mal, et puis en mal. Ou pas c'est mon là yo ka fait un bagaille qui est interdit ou pas ka répondre puis un autre bagaille qui est interdit parce qu'on ka supporter et donc là on ka supporter c'est un bagaille qui ka mené ou qui ka aidé ou pour ni un bel comportement et aussi deuxième bagaille là el rifa ça le dit c'est que on ka préserver corps d'y tomber Adam. Tout ça qui l'aide, tout ça qui pas bon, tout ça qui pas bien, tout ça qui interdit. Ou qu'a préservé corps d'y tomber en ça. Et c'est ça, c'est dit ça qui nous fait parler aujourd'hui. Parce que c'est ça, en réalité, c'est ça pidea. C'est ça pidea. Que ou qu'a préservé corps. Pour pas tomber dans ça qui interdit. Et ni aussi troisième caractéristique là, c'est qui ça c'est courage là. Parce que là on y courage, ça ca aidé ou pour ni un bel comportement. Parce que là on y courage, ça ca aidé ou pour dire ça ou pour dire. Là ou pour dire. Parce que ni des moun, ni des là yo pour dire en bagaille, mais yo pas ca dire. Pouchi parce yo pè ces moun là. Mais là on y courage ou pas ka pepe, ou pas ka passer moun la, ou ka di la vérité. Ou ka di vérité a. Et ça, c'est un bel comportement. Bel comportement quand on dit ce moun la vérité a. Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le vini, il wè se moun la yo te ka fè shirk. Se moun la te ka adoré en pile divinité. Et malgré ça, ça qui fait, est-ce qu'il peut là? Non, il pas peut là, il parle. Il dit ces moun-là, il faut que vous arrêtez, il faut que vous adorez Allah seul. Et il faut que vous arrêtez tout politisme là, vous avez fait. Il parlait. Mais ça qui fait après ça, la djé est parti. Ces moun-là, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté la vérité. Ils ont essayé de tuer. Et donc, est-ce qu'il dit, ah bon, ces moun-là n'ont pas accepté, donc vaut mieux m'en pas parler. Non! Bon comportement, c'est que vous parlez, c'est que vous dites ces moun-là la vérité. Et aussi, quatrième point, elle a de justice là, c'est faut que nous tous, faut que nous juste. Là, nous qu'a parlé, nous qu'a dit la vérité, faut que nous juste. Faut pas qu'on tombe en exagération ou alors en négligence. Non, ou qu'a arrêté en juste milieu. Ou qu'a arrêté en bon position, ou qu'a arrêté juste. Et c'est ça, bel comportement. Mais jodia ça nous le jodia c'est que nous le parler dit pidea et pidea toutes ces frères moi m'en ka dit autres c'est une caractéristique qui grandiose. Caractéristique ta pidea, c'est une caractéristique qui grandiose. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il tenait plus pide qui femme vierge là en Kaili. Femme vierge là qui est en Kaili, il n'y pide parce qu'il ne connaît pas l'homme et donc il a fait attention, il n'a pas laissé l'homme là, ouais, tout ça. Femme vierge là, il n'y a pas pide, il n'a pas laissé l'homme là, ouais, comme ça. Et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il tenait plus pide qui femme vierge là qui en Kaili. Et n'y a pas de bagaille qui a montré ça. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était qu'à détester en bagaille. Il n'était pas qu'à parler. Il n'était pas qu'à parler comme ça. Mais visage lui était qu'à changer. Et donc ces gens-là autour, ils étaient qu'à voir que visage lui changer et ils étaient savent qu'il n'y a pas un main ça. Ils étaient savent, ah ça, il n'y a pas un main ça. Pouchi, parce que visage lui changer. Mais. Des fois, il n'était pas capable parce à cause du pide. Il était ni pide, il n'était pas capable. Mais par contre, ces gens-là savent que ça, il était capable, ça n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça était capable, à le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le bagaïta n'est pas bon. Et aussi, il était ni pide, là, il était capable pour faire besoin. Là, il était calé pour faire besoin. Il pas te faire besoin devant tout le monde. Quand nous avons aujourd'hui, je dis à nous avons le monde, nous pas ni pide, nous avons faire besoin devant comme ça. Mais non, faut que nous ni un bel comportement, faut que nous ni pide. Ou quand les mettez quoi dans un coin, c'est mon pas qu'à ouer. Nous pas besoin ouer, le cas faire besoin. Et donc, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était ni pide. Il était qu'à serrer quoi pour y faire besoin. Mais pidea, quand nous dit pidea, la pudeur, ça l'est dit. Ça, pidea l'est dit. Pidea, en réalité, c'est vraiment, écoutez-moi bien. Pidea, c'est une caractéristique qui a poussé tout le monde pour y délaisser tout mauvais bagaille. Et qui a poussé tout le monde pour accomplir tout devoir. Et donc, c'est une caractéristique qui a poussé pour délaisser tout mauvais bagaille. Et c'est une caractéristique qui a poussé pour faire tout devoir là. Parce qu'on a des devoirs. Ou ni des voix et puis Allah, ou alors ou ni des voix pour Allah, et puis ou ni des voix pour ces gens-là. Ou ni des voix pour Allah, faut qu'on adore Allah seul. Faut qu'on obéisse. Ça, c'est des voix qu'on a pour Allah. Et puis derrière, ça a aidé ou pour adorer Allah seul, pour ou obéir. Qui ou seul, qui ou pas tout seul, ou qu'a fait ça ou pour faire. Pourquoi? Parce qu'on est pide pour Allah. Et on y pide pour ces gens-là. Et donc, ça, là, on y pide pour ces gens-là. Ça a fait que, ou qu'a fait toutes des voix, on y pour ces gens-là. Ces gens-là, ils m'ont dit, ils m'ont dit, oui, ils m'ont fait bazot. Alors, parce qu'on y pide, ou qu'a fait, ou qu'a respecté ça. Et donc, Pidea a aidé pour délaisser toute mauvais bagaille, fornication, rhum, menti, tout ça, tous ces péchés. Pidea a aidé pour délaisser ça, et Pidea a aidé pour faire toutes les voies qu'on a. Et aussi, il y a un pile hadith sans le Pidea aussi. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça il dit nous que Pidea c'est un branche qui a fait partie, c'est un branche qui a dans foi, la foi. Là on y la foi en Allah, la foi en ses anges-là, hein? Pidea, c'est une branche qui a fait partie de la foi. Et donc, Pidea est important. Faut pas nous négliger. Et aussi, vous avez vu, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a des frères, parce qu'il y a qui était en l'opide, en pile pide, t'es jeune. L'autre là, t'es qu'à. L'autre là, partait en main ça. Il partait en main ça. Il a dit, frère, là, mais pour tu ou con ça, pour tu ou ni ça, etc., etc. Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a ça. Là, il a ça, il dit, derrou, quittez-y. Il dit, quittez-y. Parce que Pidea, c'est une caractéristique qui a dans la foi. Pidea, c'est une caractéristique qui a dans la foi. Et aussi, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça, il dit nous, « Iza lam tastahi fasna ma shi't. » Si ou pas ni pide, ou peut faire ça ou lé. Si ou pas ni pide, fait ça ou lé. Ça le dit. Ça le dit. C'est que moun lan qui pas ni pide, il pas qu'à garder est-ce ça bien ou est-ce ça pas bien. Est-ce ça bien qu'il fait besoin devant tout le monde? Est-ce ça bien qu'il habille comme ça? Est-ce ça bien qu'il mange comme ça? Est-ce ça bien qu'il menti, qu'il pas menti? Est-ce ça bien? Moun lan pas qu'à garder tout ça. Il pas qu'à garder si ça bien, si ça pas bien. Pouti parce à la base, il pas ni pide. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit nous, si ou pas ni pide, fais ça ou lé. Mais ça le dit. Ça pas le dit qu'on peut faire ça ou lé. Ça c'est une menace qu'il a. Et qu'a mettez nous en garde contre ça. Le prophète là sallallahu alayhi wa sallam, qu'a mettez nous en garde contre le fait que ou qu'a fait ça ou lé comme ça. Et donc faut que nous réfléchissions bien là ça. Et Cheikh là c'est un autre hadith ben nous, un hadith qui est important même. Hadith là, c'est long, mais nous qu'est-ce un hadith que nous avons trouvé dans le recueil et Tirmidhi. Que c'est Abdullah ibn Mas'oud, compagnon prophète là, qui rapporte nous hadith là. Il dit que le prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, ça dit, il dit, « Istahyu min Allahi haqq al-haya. » Zot pouni pide pour Allah. Mais en pide qui correct. Zot pou ni en pide correct pour Allah. Abdullah ibn Mas'oud, ça y dit nous. Il dit nous, là, yotan ça. Alors, yodi prophète là, yodi, mais, oh messager d'Allah. Nous ni pide, alhamdulillah, nous ni pide. Ou ka dit nous, faut nous ni pide, alhamdulillah. Alors, prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, ça y dit ya. Il répond, il dit yo, Leïsa vek, c'est pas comme ça, c'est pas pidette à manli. Mais, pidea pour Allah, pidea qui correct pour Allah, c'est que vous préservez tête là et tout ça qui a dans. Nous allons lire hadith là et après nous expliquer, Inch'Allah. Et donc, il dit yo, pidea qui correct, c'est qu'on préserve tête là et tout ça qui a dans. Et qu'on préserve boudin et tout ça qui a contient. Et qu'on rappelle qu'on dit la mort. Et qu'on rappelle qu'on dit tombe là, ça qui est fait en tombe là. Et ta là qui l'est, mon lan qui l'est, l'au-delà là, mon lan qui l'est, la via qui dans l'au-delà. Moun ta ka kite, moun ta ka délaisser plaisir dounia. Moun ta ka délaisser plaisir que nous ni ici bas. Alors moun lan qui fait ça, c'est ta là qui ni en pide correct pour Allah. Et donc hadith ta est important même, donc expliquez. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ses compagnons hein, qu'en réalité, Pidea, c'est qui ça Pidea? C'est que vous préservez tête là et tout ça qui a dans. Tête là, nous tout le monde y en tête. Nous tous nous n'y en tête. Qui ça qui a en tête? Qui ça qui est en tête là? En tête là, on ni oreilles, ou ni yeux, ou ni langue, ou ni nain. Et donc, ou qu'a préserver tête là, c'est-à-dire qu'on pas qu'a faire pièce péché puis tête ou. Ou qu'a préserver tête ou qu'il tombe à dans des péchés, et ou qu'a préserver tout ça qui a dans lui qu'il tombe que il tombe à dans des péchés, ou qu'a préserver yeux ou qu'on fait péché puis yeux. Ou qu'a préserver les oreilles, qu'on écoute la musique, ou qu'on écoute des bagailles qui pas bon. Ou qu'a préserver les bouchou, qu'on fait des bagailles qui pas bon et puis bouchou. Qu'on parle ou dit des bagailles qui pas bon, qu'a préserver ça. Et qu'a dit nous prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis derrière, c'est aussi qu'on préserver boudin et tout ça qu'il contient. Ça le dit. C'est que nous avons fait attention à ce que nous avons mangé, ces frères. Ce n'est pas parce que nous avons été matinés qu'on a mangé cochon. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention à ce que nous avons mangé. Ce n'est pas parce que nous avons été matinés qu'on a mangé qu'il faut qu'on mange ça qui n'est pas halal. Il faut qu'on fasse attention. Il faut que nous tous nous fassions attention à ce que nous avons mangé. Et donc, il faut que nous préservions le boudin et essayer qu'il contienne. Et prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous que pidea c'est que ou ka rappeler ko di la mort. Ah. Parce que là ou ka songer, là ou ka songer ko ki mort. Ça ka aider ou pour délaisser ses péchés. Ces tantas là, regardez ça ka fait Martinique. Hein? Nous ka tande moun ka mort, c'est nous ka tande moun ka mort kon ti pain. Malgré ça, ou ka wè se moun lan, ou ka di yo, ah, l'été arrivé, l'été a ke chaud, prépare musique là, tout bat, subhanallah. Zot pa ni en rappel, zot ka wè se moun lan ka mo, sa pa ka fè zot en rappel pou zot di ko zot, ah, peut-être que c'est moi qui ki mo, fok mwen prépare comment pour moment là. Hein, est-ce m'en paré pour mon mort? Est-ce m'en fait sa nante pour faire? Est-ce mon fait ça, bon Dieu, t'es le moins fait? T'as qui n'y pide à? Il a fait attention à tout ça. Il a fait attention à. Il a pensé, il a songé que l'œil qui est mort, il a enterré. Tout ça qui est fait en tombant, il a songé tout ça. Et t'as qui n'y pide à? Il a songé à l'au-delà. La vie après la mort. Il a songé ça. Il pas arrêter comme ça tout le temps. Il a pensé à dounia. La vie ici bas, gagner l'argent, manger. Faut que m'acheter en caille, faut que moi manger, faut que moi construire en société. Toute la vie c'est dounia, l'argent, femme. Non. Mais moun lan qui n'y pide, eh bien c'est un moun. Il ka penser à l'au-delà, c'est ça qui est plus important. En vie, en la vie qui a duré 80 ans, 100 ans, 150 ans. Hein? Admettons qu'on a arrêté 150 ans à la terre. Ça qui est plus important, c'est ça? Ou c'est la vie éternelle là? Et donc, si on y pide, on ka penser à la vie éternelle là. C'est ça qu'on ka penser. Et c'est pour ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ça. Après ça, il dit nous. فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياة. Moun lan ki fè sa, alors il ni en pide correct pou Allah. Et donc c'est frère mwen ka di zot, nous tout là, nous pide pou Allah. À présent nous savons ça nous pou faire. Pour nous ni pider pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le Coran, il y a un pile verset aussi qui a appelé nous pour nous ni pider. Allah tabaraka wa ta'ala. Il a dit, Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafn fala yu'dhain. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Oh prophète là, Ô prophète là, dis c'est madame mou et c'est tifi you et femme c'est croyant madame mou, c'est madame mou. Ti yichou c'est fille là et aussi madame c'est croyant. Dis yo que yo rabat en les yo voile yo. Ah voilà. Tout ces monde qui a parlé du voile femme musulmane là, hein? Ça c'est un voile signe que femme ta ni pide. Ça c'est un signe inévitable, c'est pour ça ces monde pas aimer ça. C'est pour ça autre que tout les monde là qui ca combattre l'islam, premier bail yo ca combattre, yo ca combattre voile ta. Pourquoi? Parce que c'est un signe évident, c'est un signe apparent que madame ta ni pide. Et ça, ça a dérangé les moun lan. Les moun lan, yo pas men pide. Hein? Yo le wè fòm lan. Yo le wè tout fòm lan. Hein? Parce yo pas men pide. Mais par contre, si nous gade Martinique, Martinique, ou ka wè se moun lan, en général, yo chrétien. Et donc, yo ka respecte ki moun, yo ka respecte la Vierge Maria. Et yo tout yo ka vini et puis en photo, yo tout yo ka vini et puis en statue la Vierge Marie et puis en voile en l'œil. Même si yo pa wè Marie, yo pa wè voile là, yo pa sav comment yè voile là yé. Mais bon, yo ka vini et puis Marie et puis en voile en l'œil. Parce que ka respecte yi. Et yo ni bonne sœur, c'est bonne sœur qui a dans l'église là. Ça yo ni en les têtes, yo ni en voile aussi. Pouchi parce que c'est des madames que ces moun lan ka respecté. Pouchi parce yo ni pide. Et avant tabar la kawata la sa ka di nou après zalika adna an yu'rafna fa la yu'zain. Ça et donc voilà ça meilleur ba yo pour ces moun lan reconnaître yo. Ça yo le ça dit ça Allah tabaraka wa taala ka montrer nous. Il ka montrer nous ces moun lan ka reconnaître que madame ta c'est une madame qui ni pide. C'est pas n'importe qui moun ki la fè la you vain. Et donc ces moun là yo pa ka fè madame ta to. C'est qui ça ça le dit? C'est-à-dire que là les moun là yo ka wa madame qui habillé koy n'importe qui manye. Ça yo ka essayer fè moun là qui ni maladie en chey. Ça yo ka fè ka essayer garder ou alors il ka essayer aller parler puis hein, quand ce monde là qui a dit Martinique, qui a dit il qui essaie gérer madame là. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a une opportunité. Ça qui est opportunité ta que madame ta habillé quoi n'importe qui manière de toute façon. Et donc là nous une opportunité faut que nous aller. Mais par contre, là il y a un blocage dès le début, il pas qu'à aller. En général, il pas qu'à aller. Sauf si c'est un monde qui n'y a maladie en chey, qu'il est montré que non, on va aller quand même, etc., etc., etc. Et donc, voilà qu'a distingué ces madames-là. Parce que madame musulmane-là, il n'y pide en l'œil. Mashallah, mashallah. Et ça, c'est un bel bagaille. Ça, c'est un bel bagaille. Et donc, faut pas que femme musulmane-là, il perd ces mounes-là. Mettez voile là. Et mettez tête en l'air. Faut qu'on fier du voile ta là parce qu'on ka obéi à Allah. Ta Allah c'est Allah qui crée tout le monde et toute bagaille. Et donc faut pas regarder ça c'est moun lan ka dit, mais faut qu'on regarder ça Allah ka mandé ou. Allah tabaraka wa taala ka dit nous kul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un. Dit c'est-à-dire Mohammed dit ses croyants que yo pou baisser zyeux yo faut pas regarder ces madame là yo ka marcher comme ça en chemin faut pas regarder ces madame là comment yo yé faut qu'ou baisser zyeux aussi à dans téléphone là aussi attention faut c'est pas qu'on ka baisser zyeux de wa et à dans téléphone on ka garder tout ça au lit non faut qu'ou baisser zyeux. Dis ces croyants, faut que yo baisser yeux yo. Et faut que yo préserver chasteté yo. Gardez ça, fais le lien ces moun-là. Gardez ça bien. Allah ici te nous faut que nous baissiez nous. Et tout de suite après il dit nous faut que nous préserver chasteté nous pouchi parce que là baissiez yo ça ca aider ou ça ca aider ou pour garder chasteté ya. Par contre là tous les jours ou ca garder tête ou en l'air ou ca garder ces femmes là à droite à gauche ou ca au travail à droite à gauche comme ces femmes là ou ca ouais à la fin ça on y à la fin on l'est à la fin on besoin à la fin c'est ça qu'a fait ou peut tomber dans un grand péché. Et donc, plutôt que vous tombez dans cette situation-là, préservez corps dès le début. Baissez-vous. Baissez-vous. Zalika azka lahum. Tala bagaita pli pi bayou. C'est-à-dire, c'est plus pur. Ça pli pi bayou. Inna Allah khabirun bima yasna'un. C'est-à-dire que bagaita ka purifie yo. Et certes, Allah. Ils savent parfaitement ça yo ka fait. Pas penser qu'on ka gade et qu'on pa baisse yeux et que Allah il pas savent qu'on pa baisse yeux. Non, Allah il savent parfaitement ça yo ka fait. Et donc, ces frères et ces sœurs aussi là nous ni lapider, là nous ni pider. Ça qu'a fait caractère ta, ça qu'a fait que les nous qu'a parlé nous qu'a dit belle bagaille seulement. Le qu'a parlé ou pas dit mauvais bagaille ou pas parler mal parce qu'on y pidea. Donc faut que nous fassions attention à ça nous qu'a dit. C'est pas parce que nous qu'a vu une Martinique. C'est pas parce que nous qu'a vu une Guadeloupe. C'est pas parce que nous avons vu Haïti que faut que nous parler contre toutes ces monde comme ça sans nous faire distinction du mauvais et du bon. Non, aux musulmans à présent, ou pour ni pider, ou pour faire attention à ça qu'a dit. Et donc faut que nous préserver aussi chasteté nous qu'on nous ouais dans hadith là. Quand nous ouais à dans verset A, faut que nous préservions chasteté nous. Hein. Et faut que nous fassions attention ça nous qu'à manger. Quand nous ouais à dans hadith là et aussi Allah tabaraka wa ta'ala ça il a dit nous ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oh, c'est mon lan qui ni la foi. C'est mon lan qui ni la foi. Manger, c'est belle bagaille là que nous bazotes. C'est belle bagaille là, c'est qui ça? C'est des bagailles là qui halal, les bagailles là qui licites. Manger, c'est belle bagaille là que nous bazotes. Et remercie Allah si c'est lui que vous avez adoré. Et donc Allah a montré nous ici à un bel comportement, puis derrière qu'on fait attention à ça qu'on a mangé. Et aussi, moun lan ki ni pidea. C'est pas moun ka ou ka wè kon sa que nou ka wè c'est dans ces temps-là là, des fois ou là ou ka prier, là ou fin prière ou pou comme même commencer adhkar là. Ou de faire ces adhkar, ou pou comme même commencer, ou ka tan moun ka kri en mosquée a, ah, m'en besoin l'argent, m'en besoin si, m'en ni chemin, m'en ni madame moi, m'en ni papa moi et moun lan ka kri en mosquée a. Ça, c'est un manque de pidèque qu'il a. Si on n'y pidèque, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas demander ces gens dans l'argent comme ça. Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait compliment. Il complimente ces gens là. Ils ont besoin, mais ils n'ont pas commandé. Ils n'ont pas commandé. Tarifuhum bisimehum. Ou kari kounet yo. Et puis signo. Ou kari konet yo pi sinyo, la yes elouna nasa il hafa. Yo pa kamande se moun lan, pas yo ni pide. Yo pa kamande se moun lan, a koz di pide a, yo pa kamande la jan. Et donc, fok nou ni pide ou se moun lan, fok nou ni pide, fok nou fa atensyon. Et en réalité, puis dernière l'eau, belle conséquence. Mais faut nous poser quand nous en question. Est-ce une idée cause qui a fait qu'Epidéa a parti? Est-ce une idée cause qui a fait qu'Epidéa a sorti du tchèmoun l'an? Oui, il y a. Parmi ces causes-là, il y a un bail qui est important. C'est qui ça? C'est que nous, ouais, avant, que Pidéa, c'est une branche qui a dans la foi. Eh bien, si la foi a baissé, ça, c'est en cause qui a fait Pidéa baisser aussi. Et qui peut faire Pidéa partir. Et donc, il faut que nous fassions en sorte pour nous faire foi à monter tout le temps. Et ça qui est cause là qui a fait que foi a parti. Ou qui a fait que foi a diminué, qui a baissé. C'est péché. Hein. C'est péché que nous avons fait tous les jours. Ça, c'est des causes qui ont fait que, foi, qui a fait que la foi a baissé. Et donc, qui a fait que Pidéa a parti. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ça, il dit nous. Il dit nous que. Il dit nous conséquences, c'est péché. Hein. Punition, c'est péché. Hein. C'est qui ça? Nez'ul haya. C'est que Pidéa a parti. Pidéa a enlevé. Hein? Pidéa a parti de chez moun lan. Ça, c'est conséquence, c'est péché. Wahoua khayroun kulluhu. Et Pidéa, tout Pidéa sent bien. Et ça, c'est le prophète là qui dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a dans Sahih Muslim. Le prophète là qui dit nous ça, que tout Pidéa sent bien. Et donc, si Pidéa a parti, si Pidéa a parti, c'est qui ça qui a parti? C'est un grand bien qui a parti. Faut pas quitter Pidéa a parti. Et donc, faut qu'on délaisse tous ces péchés-là. Et parmi les causes qui a fait que Pidéa a parti, il y a aussi mauvaise fréquentation. L'eau qui a fréquenté des mauvais mouns. Hein? Des mauvais mouns qui a fait au fumin, qui a fait au bois, qui a mal parlé, qui pas qu'à prier. L'eau qui a fréquenté ces mouns-là, ça qui fait en l'air. Ça qui est infecté, ou. Ça qui fait qu'on ou aussi ou qui pète pide à pitié. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ces moulins qui nous ont fréquenté. Nous avons fréquenté ces moulins qui n'y pide. Et parmi les causes qui ont fait que pide a parti, ah, cause c'est important même. Le fait que ces moulins qui ont délaissé en adoration qui est important. C'est qui ça adoration ta? Que nous ordonnons. Nous ordonnons tout ça qui est bien et que nous avons interdit ça qui est mal. Ça, c'est un acte d'adoration qu'il a. Là, au cas où ces gens-là, ou qu'a demandé pour faire le bien et ou qu'a interdit ça qui n'est pas bien. Ou cas où ces gens-là qui ont fait un bagage qui n'est pas bien, ou qu'a dit yo, ça, ça n'est pas bien. Il ne faut pas opérer là. Il faut qu'on dise ces gens-là, ça, ça n'est pas bien. Parce que si nous pas dit ces moun là ça va bien, ça qu'a fait après ça. Mal là qu'a propagé koy. Gardez bien, nous qu'a bas en ton exemple. Est-ce que dans l'église catholique là, est-ce fornication interdit ou autorisé? Il interdit. OK, ça qu'a fait Martinique. Ça qu'a fait Martinique. Est-ce ces prêtres là yo qu'a parlé? Il n'est pas capable, et pourtant c'est interdit. Normalement, c'est un bagaille pour pointer du doigt parce que c'est un gros problème dans Martinique. Mais Pouchi. Et donc, là, ces gens-là pas capable, mal là qu'à propager quoi. C'est pour ça que faut pas nous participer à ça. Faut pas où on dit ces gens-là, ça, ça pas bon. Ça pas bon, bao. Faut pas nous honte dire ces moun là ça parce que ces moun là yo pas honte là yo ka fait ces péchés à devant nous. Pourquoi c'est nous qui honte. Et aussi qu'on nous citait avant parmi toutes les causes qui a fait que Pidéa a parti, les sites internet là que nous ka voir à présent. Moun là bon ka il ni site internet, il ka garder tout ça qui est mauvais. Femme tout ni tout ça, subhanallah. Et donc, il faut que nous fassions attention à ça. faut que nous fassions attention à ça, parce que ça, c'est des causes qui ont fait que Pidak a parti d'Itchéo. Et aussi, il y a parmi ces causes-là, parmi ces causes Pidak, ça il y a aussi ignorance-là. Là, on ne pas savent. Ça qu'a fait, là, on ne pas savent. Eh bien, on ne pas savent ça qui ces bagailles-là qui a fait que nous pouvons Pidak. Ou pas savent qui tombe pour Nipide, ou pas savent et puis qui bagaille pour Nipide, ou pas savent comment il faut qu'on Nipide, ou pas savent ça qui bien, ça qui pas bien. Pouti, à cause d'ignorance là, c'est pour ça qu'il faut que nous apprenions. À présent, nous rentrons dans l'islam, Allah Tabaraka wa Ta'ala guide nous pour nous rentrer dans l'imieta. À présent, il faut que nous rentrer dans pleinement. Il faut que nous apprenions la religion. Il ne faut pas nous perdre de temps. Il ne faut pas nous dormir. Il ne faut pas nous mollir. Il faut que nous apprenions. Et aussi, parmi les causes qui ont fait que Pidea a parti, mixitea. Ah, mixitea, ça c'est un problème aussi. Mais c'est un grand mal, c'est une maladie. Ces moules-là, à la base, ils ont dit non, ça pas grave. C'est un petit bagage qu'il a. C'est bon. Je n'ai pas peur. Il y a un peu qui est arrivé. Un jour, deux jours, en semaine. Ça nous attend problème. Et donc, il faut que nous fassions attention. Il ne faut pas nous tomber dans ces bagailles-là. À présent, aux musulmans, il ne faut pas nous tomber dans ces bagailles-là. Il faut qu'on préserve le corps. Et aussi, ces madames-là, calter ces vêtements que ces madames-là ont mis aussi actuellement, ça, c'est en cause qui a fait que Pidak a parti. Alors, il faut que ces madames-là fassent attention. De la même façon que nous avons dit, il faut que ces frères, il faut que ces mounes-là fassent attention, il faut que ces bougues-là fassent attention, ces madames-là aussi, il faut qu'ils fassent attention. Et aussi, parmi les causes qui ont fait Pidak a parti, nous n'y qui ça? Musique-là. Musique-là, ça c'est en cause diabolique. Musique-là, ça c'est un bagaille qui est diabolique pour faire Pidak a parti. Laissez-moi commencer la musique là, commencer zouk, commencer reggae dancehall, commencer tout ça. Ça qu'a fait? Mixité. Yo ka danser, tout bagay. Est-ce que, ou ka di moi ka danser bagay ta, son système, tout ça, est-ce qu'il y a ni pide en ça? Mais non, pas ni pide. Et donc, musique là, ka entraîner ces moun là pour yo quitter pide a. Alors, il faut qu'on quitte la musique là. Couper net pour ne pas tomber dans le piège diable là. Et donc, ça, c'est la conférence là que Cheikh Laïba nous. Alhamdoulilah, moi, j'ai résumé pour vous profiter. Mais après ça, il y a des trois questions. Des frères Trinidad Tobago, ils ont posé des questions. Des frères Jamaïque, ils ont posé des questions. Des frères. Barbade aussi, il posait des belles questions aussi, machallah. Moi, essayé Bazot, parce qu'il y a eu plusieurs questions. Concrètement, moi, j'ai Bazot des questions que ces gens l'ont posé. Moi, j'ai essayé Bazot des questions, Inch'Allah. Les frères Haïti a aussi ouvert en question, bah, moi, mais ouvert une question trop tard. Après ça, mon pas été traduit bah, pour Chéa, parce qu'il ouvre une question hein, après cours là. Et c'est trop tard. Donc, parmi ces questions que vous posez, il y a un frère Martinique qui pose une question et dit « Mon sang Martinique, mon musulman, et famille moins sans famille chrétien. Famille moins sans famille chrétien. Mon cas prêché à l'islam et puis un bel comportement. Mon cas prêché à l'islam et puis un bel comportement. Mais, mon pas cas débattre et puis yo, on les toutes ces problèmes yon y a dans religion yo mon pas qu'à débattre en les yo et puis ça pouti parce que les mon qu'à débattre et puis yo mon qu'à venir et puis des preuves et yo pas qu'à accepter yo qu'à fâcher quoi yo alors yo qu'à quitter débat et à cause de ça m'a arrêté de débattre puis yo et m'a concentré comme moi les bons comportements. Mais yo, yo pas arrêté de débattre. Yo, yo toujours qu'à prêcher moi, yo qu'à appeler moi pour m'en convertir comme moi, pour m'en retourner dans la religion chrétienne là. Yo qu'à venir puis preuve yo. Est-ce ça mon qu'à faire, c'est un bel bagaille et c'est un signe de sagesse et c'est un signe pideux qu'il a, ou est-ce c'est un signe de faiblesse qu'il a? Alors, cher là, il entend ça. Il dit que nous avons dans en question ta que c'est monta famille ou yoni juhud c'est yo ka nié vérité a. Parce qu'on ka dit nous qu'on ka vini et puis ces preuves là et yo ka fâché, yo ka quitté débat. Et donc ça c'est en preuve que c'est yo ka nié vérité a. Ou peut venir et puis vérité a comme ça, ou ka vini, ou ka vini, ou ka vini et puis vérité a, mais yo pas ka accepter, yo ka nié. Mais est-ce nous qu'a dit ou arrêter prêcher yo? Non, faut qu'on patienter. Prophète Mohammed là sallallahu alayhi wa sallam, il patienter, continuer. Il prêcher ces moun là. Et donc faut pas ou arrêter. Faut qu'on continue débattre puis yo plusieurs fois, faut qu'on continue, faut qu'on continue, faut qu'on continue. Faut pas abandonner. Et donc ça c'est un bail qui est important aux ses frères. Parce que zot si zot ka gade bien ces moun nan yo pa ka jenn encore yo pour yo prêcher nous. Yo pa ka jenn encore yo pour yo dire oui mais attention en islam il y a si ou yo pa ka jenn encore yo pour ti nous que jenn encore nous. Et aussi en autre question, ces dernières questions que nous poser cheikh là. C'est question ces frères de Barbade. Questionnaire qui a dit que il pas ni en pile monde qui a venu en mosquée pour yo prier en groupe pour ces cinq prières là sauf Jumu'ah, sauf prière jour vendredi a. Et peut-être que cause là qui a fait ça que pas ni en l'eau monde qui a venu prier c'est que mosquée a loin, mosquée a pas prier, mosquée a loin. Et donc, est-ce ni un conseil pour ses frères pour montrer importance prière en groupe? Et donc, cher là, il répond, il dit nous que l'homme qui a délaissé prière en groupe, ça c'est un signe hypocrisie qu'il a. Ça c'est un signe hypocrisie qu'il a. Salat en groupe, prière là, en groupe, c'est en prière qui s'en bat et qui est vraiment important en islam. Faut pas nous délaisser. Allah tabaraka wa ta'ala, à d'un courant, il a montré nous que prière en groupe est obligatoire, même pendant le combat. Même pendant le combat, Allah bat nous en l'autre façon pour nous prier en groupe, mais nous allons prier toujours en groupe. Nous pas qu'à quitter pendant combat, pendant la djéa. Et ces compagnons prophètes là, ils ont dit que ta qui a délaissé prier en groupe, ça c'est un signe d'hypocrisie qu'il a. Ibn Mas'ud, radiallahu an, ça il dit nous que si nous quittons prier en groupe, alors nous qu'à quitter sunna prophète nous. Le teraktum sunna tanabiyikum. Si vous faites ça, alors vous avez quitté Sunna prophète Zot là. Et il a dit nous, Mas'ud, radiallahu an, compagnon prophète là, il a dit nous, certes, nous t'es qu'à ouais, que t'as là qui délaissé prière en groupe, nous t'es qu'à ouais, que c'est des hypocrites qui t'es connu, que ces gens-là savent que c'est hypocrite qu'il a. Et donc ça nous ka wè en ça au ses frères nous ka wè que nous ka comprendre que prier en groupe là c'est un prière qui est obligatoire. Pouti parce que ses compagnons ont été unanimes, ils étaient unanimes toutes. Ils étaient ka wè que ta là qui ka délaissé prier en groupe, ça c'est un signe hypocrisie qu'il a. Et donc ça nous ka comprendre que prier en groupe là obligatoire. Donc, faut que nous fassions attention à ça aussi, frère. Faut que nous fassions attention, hein, pour nous nier ces caractéristiques, ces croyants. Hein. Parce qu'Allah décrit ces croyants dans le livre, parce que ils ont prié. Ils ont prié en mosquée. Certes, c'est monde qui a rempli, qui a vivre, qui a fait mosquée à vivre. C'est cet Allah qui a la foi en Allah. C'est Allah qui a prié, qui a fait prière. Et donc, c'est important, ces monde que nous prions en groupe. Ça semble être vraiment, vraiment très important. Il ne faut pas nous négliger. Et là, ça fait plus de 50 minutes. Et donc, nous arrêter là pour aujourd'hui. Là. Nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, il pardonne nous, il purifie nous. Il purifie chez nous. Nous commandons tabaraka wa ta'ala. Il aide nous pour nous ni toute pidea, pour nous ni pidea correct pour nous adorer correctement. Nous commandons Allah tabaraka wa ta'ala. Il bat nous la science. Nous commandons Allah tabaraka wa ta'ala. Il guide ces moun Martinique là pour y rentrer en islam. Pour y guider ces moun Guadeloupe, ces moun Guyane, hein, ces moun Haïti, ces moun Jamaïque. Pour guider ces mon anti là pour y rentrer en islam religion vérité akila hein subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.